Benvenuti su Radio Panic. Oggi Tortoli Erbatax ci romperanno con i coglioni con un'emissione speciale sull'Italia. Un'emissione speciale sull'Italia? Se aujourd'hui su Radio Panic e c'est un scandale, se aujourd'hui hein, su Radio Panic. Scandalosi! Tortoli et Erbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panic. Bonjour, bienvenue tout le monde, vous écoutez Tortoli et Erbatax. Je suis Tortoli. Je suis Erbatax. Salut à tous. Et aujourd'hui... Une journée, une émission un peu spéciale. On chamboule tout. On joue au chamboule tout. C'est une spéciale Italia. Oh, Italia, pasta, spaghetti, tout et tutti quanti. Et pour ce faire, on reçoit un expert. Un Italien. On reçoit Edoardo, come vai? Bonjour à tutti. À tutti. Ça fait plaisir, franchement. Ça va bien. Je la sens bien, celle-là. Edoardo, bah, c'est un ami. Mais Edoardo, on va quand même devoir présenter l'émission un petit peu comme ça à tout le monde, un peu savoir ce qui va se passer durant cette heure. Puisque, et peut-être même à toi, on va, parce que en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais je suis sûr que t'as jamais écouté l'émission. Alors, je vais te faire le programme, tu vas voir. T'as déjà écouté l'émission? Oh, wow. Quelques minutes, il y a longtemps. D'accord. Alors, comment autant ça dire, pas du tout. c'est ça, une réponse très italienne. Quelques minutes, mais il y a longtemps. Faux cuve. Alors, comment ça se passe? On va se mettre un petit générique dans pas longtemps. On se met toujours un petit générique un petit peu pourrave, hein, voilà, comme on dit. Enfin, quoique celui-là n'est pas si pourrave que ça. Enfin, à vous de juger. Et puis, après, on va se faire une petite session un peu funk. On va se faire une session où il y aura du reggae, il y aura un peu du twist. Il y aura pas mal de choses, mais tout ça 100% Italie, 100% la botte. Yes, il y aura la petite touch d'Edoardo, il y aura une petite chronique, voilà. Un petit focus sur Fabri Fibra. Tout ça sous le contrôle de notre huissier, expert. Ce qui veut dire Edoardo. Que tu peux intervenir à n'importe quel moment, tu peux. Voilà, t'as le contrôle. Va bene. Nickel. Très bien, on va démarrer direct. Tranquillement, pour se mettre dans le bain, générique. Ricky Roberts, je crois qu'on dit comme ça. C'est un peu du twist, ça s'appelle Twist in Italia. C'est de rigueur. C'est de rigueur. On se rejoint juste après ça. C'est le 105.4 Radio Panic. Toi-même, tu sais. Twist with me, twist la saltella, gira intorno a me, yeah, oh baby. Questa danza è ciò che piace a te, yeah, oh baby. È arrivato il twist, oh baby, anche in Italia si twista. Twist with me, twista saltella, gira intorno a me, yeah, oh baby. Questa danza è ciò che piace a te, yeah, oh baby. È arrivato il twist, oh baby, anche in Italia. Gira intorno a me, yeah, oh baby. Questa danza è ciò che piace a te, yeah, oh baby. È arrivato il twist, oh baby, anche in Italia si twista a Milano. gonna twist with me. Twista satella, gira intorno a me. Yeah, oh baby. Questa danza è ciò che piace a te. Yeah, oh baby. È arrivato il twist, oh baby, anche in Italy. Twista satella, gira intorno a me. Yeah, oh baby. Questa danza è ciò che piace a te. Tortoli e Erba Tax, la radio numero uno in Italia. De retour. Yeah. De retour. Qu'est-ce qui se passe, Tortoli? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. On est juste sur une. On fait une émission à l'italienne, donc tout est un peu déconstruit. You know! L'organisation italienne! Voilà! C'est ça, c'est ça. Bon, en fait, mea culpa, hein, d'abord. Je m'excuse, dis-nous. Ce générique qui s'appelait Twist in Italy. En fait, c'était Little Tony. Qu'on voilà. entend toujours pour les, puristes. Ah, voilà. C'est Little Tony. Et en fait, Rocky Roberts, pour être précis, c'est le morceau qu'on va se passer juste. Juste après. Après. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Ça va venir. Ça un, va petit, venir. Un petit mot sur Ricky Roberts, Eduardo. Toi qui bon, connais personnellement. Un peu la période Twist en Italie, quoi. Pas vraiment. Ma vie d'expat m'a forcé à vivre dans une autre dimension culturelle où j'ai raté le mieux de l'Italie. C'est ça, le Twist. De la culture, oui, années 60, 70, 80. C'est, voilà. Sorry. T'étais parti en Erasmus, t'étais parti, quoi. J'ai parti avec ma tête. T'étais parti. Oui, t'étais parti loin. Localand. Très bien, bon, on va écouter ce petit Ricky Roberts, Stasera. Voilà, c'est dans la continuité du générique en fait. Donc Ricky Roberts, Stasera mi butto. Pour l'accent, c'est, tu me reprends, hein, Eduardo, n'hésite pas. Hein. Yes. En fait, tu devrais c'est le dire même d'ailleurs. Rocky, c'est. Ben, c'est Ricky Roberts, Stasera mi butto. Ok, juste après, c'est Enzo. Enzo Giannacchini. Iannacci. Iannacci, c'est yes, ça. C'est Iannacci. Ça. Et le morceau, c'est You Know To Know, c'est ça. C'est bien ça. Ça veut dire quoi? Yes. Je non, tu non. Moi non, tu non. Tu non. Moi non, toi non plus. Un pas truc comme plus, ça. Yes. Moi non. C'est ça. Très bien. Et ben on écoute Ricky Roberts. Ça marche. On reparle après. C'est un petit peu le moment vintage. On se rejoint juste après ça. Tranquille. Vous écoutez Tortoli Herbe Attack. C'est le 105.4. C'est Radio Panique. Tranquillo, amico. Ciao. Andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no tu no, perché andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no, tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma vengo anch'io, no, tu no. Perché? Perché no. Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no, tu no. Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ah, vengo anch'io, no, tu no. Perché? Perché no. Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no, tu no. Per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no. Oh, vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no. Vengo anch'io, no, tu no. No, vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, tu no. Vengo anch'io, no, no, vengo anch'io, no, no, ma perché? Perché no? J'ai lu dans je sais plus quel magazine que... En Belgique, 10% de la population est exclue du jeu de la société. Mais c'est un cauchemar! Vous réagissez négativement! Et le tiers-monde, vous en faites quoi? C'est une bonne question. D'écouter Radio Panique. Sur place ou emporté? D'écouter Tortoli et Herbatax. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Agissons ensemble contre l'analphabétisme. C'est le breaking news. C'est le breaking news. C'est le breaking news. Arbatax, dis-nous tout, dis-nous tout. Pourquoi ce breaking news? Pourquoi? Qu'est-ce que se passe-t-il? Voilà, nous sommes aujourd'hui le 1 avril et en fait, voilà, la nouvelle vient de tomber. Bob Sinclair nous prépare le tube de l'été. Attention, c'est un scoop Tortoli Arbatax. Enfin, oula. Scoop. On n'est pas les premiers sur l'affaire, je pense que... On n'est pas fiers. Mais voilà, on n'est pas fiers en fait. Et c'est un breaking news en forme de coup de gueule cette semaine. Ouais, c'est voilà. Pour ça que j'ai mis mon Bob. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Et en fait, voilà, Bob Sinclair nous fait un remix en 2011 de Raffaella Carrà. Raffaella voilà. Carrà, si on laisse écouter un petit peu, c'est un vieux morceau italien, mais qui a super cartonné. Qui s'appelle, voilà, le refrain faisait un petit peu Affare l'amore comincia tu. Il a été repris en France, il a été repris en allemand. Il a été, à l'époque, c'était un carton. Écoutez un peu, ça donne ça. Bien vu Tortoli. Ça c'est la version italienne. Original, génial. Voilà, Eduardo, tu confirmes, ça fait partie du patrimoine de l'Italie ou quoi? Certainement, ça fait partie de notre patrimoine, c'est... Enfin, tu les connais, sauf que moi, peut-être. Sauf toi. Non, oui, non, je blague, si, certainement, je les connais. Si. Moi, tu m'as quand même avoué hors antenne que ta mère avait dragué ton père sur cette chanson. Oui, c'est ça, ils se sont connus en réveillon, nouvel an. Voilà. Et ma maman, elle n'est pas blonde, mais pour l'occasion, elle s'est mis une perruque blonde, fait le style Carrà. Et ça marchait, apparemment. Ah ouais, non, mais c'est un gros carton, il n'y a pas eu que tes parents qui ont dû se rencontrer sur cette chanson. On a d'ailleurs constaté un baby boom en Italie l'année suivante. Une explosion des naissances. C'était l'année, je sais pas combien. C'était l'année 62. Non, ça, l'année à vérifier. Enfin bref, et on disait donc que Bob Sinclair va nous le remixer cette année. Vous allez l'entendre dans, j'imagine, tous les clubs, toutes les radios, etc. Et je crois que Tortoli, t'as réussi à subtiliser le morceau. Tu vois. Écoute, aïe. C'est dégueulasse. Dégueulasse. On vous aura prévenu. Je vous remets l'autre version. Merci. Elle était quand même plus sympa. Merci. Donc pour information, Affaré la mort comme une chatoule, l'original c'est 1976. Bien vu. Donc ça correspond plus ou moins à ta date de naissance. Je suis né après 4 ans. Ah voilà, voilà. C'est pas parce un indice. C'était une longue. Ils ont mis 4 ans quand même. Voilà. 4 ans à écouter la chanson en boucle. Oui, exact. Une longue gestation. Tout le temps. Une longue gestation. Gestation. Bon, en tout cas, Bob Sinclair, c'était une breaking news, mais tu peux prendre ça comme une menace. Je sais pas ce qu'on va te faire. Peut-être on te mettra un coup de tong. Il n'en revient plus jamais. Non mais comme quoi c'est à la mode cette histoire d'Italie, puisque l'année dernière il y avait Renato Carosone là. Tout va faire l'Americano qui avait été repris par Yolanda Bicoul. Ouais voilà. Ouais ouais. Donc là qui était un peu moins dégueulasse à mon goût. À ton qui goût. Qui passait non mais qui passait encore bien. Qui passait encore bien. Alors, quand on copie, il faut savoir ce que l'on fait. C'est ça. Il faut savoir copier. Ouais. Donc, la parole du sage. Le mec a pris un bon morceau, mais il faut juste pas le remixer, quoi. C'est tout. Ne touche pas à ça, Bob Sinclair. Ne touche pas à Raphaël Acara. Bon, c'est que Raphaël Acara, je le redis comme ça, Raphaël Acara, on se l'est déjà passé dans l'émission, donc on va pas se la repasser cette fois-ci. On va arrêter ce petit coup de gueule et on va repasser à deux morceaux plutôt funk, je dirais. Plutôt funk, mais toujours italien, puisque c'est la spéciale Italia. Bien sûr. Et alors, le premier s'appelle Pino D'Angio. Alors, ça, c'est le morceau s'appelle Maque Idea. Exactement. L'accent du Nord. Ma quale, l'accent du Nord. Ma quale idea, c'est ça. Que idea, que idea. Ma que idea. Voilà. Que idea. Une petite traduction rapidement. Quelle idée, voilà. Environ. Et ce sera suivi. Alors là, par contre, la traduction va être plutôt intéressante. Le prochain morceau, c'est Piotta. C'est un morceau de 1996 et ça s'appelle Super Cafoné. Ça veut dire quoi, super cafoné? Super quoi? Super cafoné. Cafoné, je sais pas si ça se dit. C'est un abruti, quelqu'un qui a pas de style, qui est un bourrin. Un bourrin. Ouais, ah, ouais. Okay, super bourrin. Super bourrin, d'accord. Ok, voilà, c'est un morceau de Piotta et ça sonne un petit peu funk, un petit peu comme ça, dansant. Donc c'est les deux morceaux, Pino D'Angio et Piotta. On vous laisse kiffer sur le 105.4, c'est Tortoli Herbe Attax. On se rejoint juste après ça pour l'agenda culturel de Bruxelles et encore de l'Italie. Non, ce n'est pas Ménélique, c'est Pino D'Angio. Bien vu, Tortoli. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai. M'è venuta una pensione

mano de qua e de là, fammela vedere, non te ferma, il super cartone, eccolo qua, piotta il suo nome, non lo scorda, muovi la mano de qua e de là. L'agenda Q, l'agenda culturel, l'agenda culturel. Bon, alors là, le principe, c'est d'exposer, de présenter tout ce qui va se passer cette semaine sur Bruxelles, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes donc le 12 avril, ça y est, j'ai retrouvé la date. Voilà, on est mardi 12 avril, donc on va vous exposer les sorties à faire dans la semaine du 11 au 17 avril. Voilà. Comme ça, c'est bien présenté, tout beau. Voilà, tout beau, tout beau. Feuille à carreaux et deux petites perforations. Tranquille. Elle est belle, je vous la rends. Voilà, on venait de s'écouter Pino D'Angio, Maquet Idea et Super Cafoné, Super Bourrin, comme on dit en français. Et ça, c'était l'artiste Piotta. Pas si bourrin que ça. Hein. Pas si, non, tu as dit Ménélique tout à l'heure. Oui, plus. Non, ah oui, pardon. Oh là. On confond tout. Et c'était un morceau de 1996. Mais revenons à l'agenda culturel. Que va-t-il se passer à partir de ce soir? Est-ce que l'agenda culturel a un rapport avec l'Italie, peut-être? Non, mais on va, c'est pas grave. Les soirs, on n'aura pas, on fera des pâtes. Pasta. Ok. Pasta. Ok, vas-y. On a besoin pasta, de Guimette. Alors, tu vas voir. Guimette, Eduardo, Guimette. On va te présenter. Regarde bien ce qu'il y a nous. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Tu l'as entendu? Et les gars, qui fait ce soir? Je vais lui redemander de faire un petit peu. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Voilà. Un petit peu en remède. Tu sais, c'est une stagiaire, elle est là, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Quoi. Elle débute aussi. Ah. Qu'on lui donne des phrases à répéter toutes les semaines, et c'est tout le temps les mêmes. C'est pas un perroquet? Non, c'est pas un perroquet, non. Non, parce qu'elle nous répète pas. C'est une perruche. Très bien, donc ce mardi 12 avril, nous avons Portugal The Man qui est au Botanique, et c'est un groupe qui se produira à la Rotonde. Il vous en coûtera 7, 10 ou 13 euros, c'est à 20h, c'est au Botanique. Mais mardi 12 avril, c'est aussi autre chose. Tadadam. C'est-à-dire Arbatax? Non. Non? Non. C'est la journée des célibataires. Alors Eduardo, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais toi pour la journée des célibataires? Mais ça se célèbre depuis quand? Je sais pas, c'est peut-être la première année, on sait pas trop quoi. Depuis en fait. L'Antiquité. Oui, parce que j'étais pas informé en fait. T'étais pas au courant. Autrement, t'aurais largué tes copines avant. On m'a rien dit. pour être dans le coup quoi. Bah attends, vas-y, tiens, si tu veux, j'ai un texto à te passer. tu peux larguer ta copine voilà, en direct. Vas-y, envoie-lui un texto, y a pas de problème. Attends, j'en ai déjà des tout prêts, tu vas voir, pour ce genre de situation. Donc voilà pour tous les. D'accord. Donc pour tous les célibataires, vous pouvez. Effectivement, j'ai vu un événement comme ça sur Facebook. Il y avait un événement comme ça, super journée ça des célibataires. Et ça se passe comment? C'est des soirées où il y a que des mecs. Le gros risque, c'est qu'il y ait que des mecs. Il y a assez peu de meufs. Si connu comme sausage party. Sausage party. Les saucisses. Oui, c'était dans toutes les soirées, tu vois. La après fête des 4 saucisses. Ou 5 heures, quand toutes les filles sont parties, il y a que les mecs qui restent. Ouais. Tous bourrés. Et ouais, c'est les sausage party. Alors, ça, en fait, finalement, maintenant, je sais que ces soirées-là, moi, je les fais depuis longtemps, finalement. En fait, moi, je m'aperçois. Depuis que je suis majeur. Ouais, en fait. Et ouais, donc, vous pouvez aller rejoindre le groupe saucisses célibataire sur Facebook, puisque je pense que c'est un peu international. Il y aura sûrement quelque chose à Bruxelles, mais je crois qu'il y en a un peu partout. Et donc, pour savoir ce qui se passe sur Bruxelles, il faut peut-être aller rejoindre le groupe Facebook, qui d'ailleurs s'est mis un petit slogan, pas dégueulasse, qui s'est mis comme slogan Fuck Cupidon. Ah, Fuck Cupidon. Ouais, génial. Ça me fait penser à quelque chose. Très clair. Fuck you, fuck la France, fuck Dominé. Tu vois, fuck. Très classe, voilà, un slogan à la Booba. Et voilà, donc ça, ce sera mardi 12 avril. Renseignez-vous si vous êtes célibataire. Je sais pas. Oh là. Oh les. Ouais. Ça t'a choqué. Oui, là. Voilà, oui. Choqué. Mon micro qui est tombé. Ouh. Il en perd son micro. Ton micro, il est célibataire aussi. Ouais, voilà, il est célibataire de ma bouche. Je vais larguer. Allez, on passe au mercredi. Au mercredi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Si tu parles en même temps que Guillemette dit quelque chose, elle va commencer à s'énerver. Je crois qu'on était sur une traduction mercredi en italien. Mercredi. Non, c'était miércoles. Ah, en espagnol, c'est quoi, c'est espagnol ou... En spanish, ok, ça t'es va. T'es polyglotte, donc. Mercolius, en portugouche. C'est juste l'Italie, ça comprend aussi toutes les cultures qui sont proches. C'est vrai. Donc la culture espagnole, c'est aussi partie du pays, Italie. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a de plus en plus de gens, je dois dire, qui parlent espagnol en Italie parce que c'est pas trop difficile, c'est cool, c'est une des langues les plus parlées. Et donc oui, ça vient de plus en plus. On a appris peu, il y a peu qu'on parlait aussi l'allemand en Italie. Ah oui, on a. Voilà. Mais en langue officielle, quoi. Langue ouais. officielle dans une région, le Tyrol. Le Tyrol du Sud, ouais. Ouais. Tu savais ça, Eduardo? Pour nous, c'est Trentino Alto Adige. Donc, les Hautes Adige. Et pour de l'autre côté, c'est Sud Tyrol. Donc, Tyrol. Ça dépend, c'est un peu comme le verre qui est mi-plein ou mi-vide. Ça dépend de quel côté tu le regardes. C'est un peu comme ça. Oui, et il y a aussi d'autres régions. Il y a des régions bilingues italien-français, par exemple. Valle d'Aosta. Valle d'Aosta, exact. Il y a des. Enfin, le multilinguisme existe. Si. Toi, tu viens d'où, Eduardo, rappelle? Des Siciles. Ah, de Sicile. Yes. Mais on pourrait faire un petit exemple d'italien avec l'accent allemand, puisque nous avons ici une représentante du Tyrol du Sud. Chopé au hasard dans le public. Tu peux dire n'importe quoi. Si. Alors, l'Alto Adige là, dove mangiamo la pizza con lo speck. Ah, alors. Les lardons, oui. Ok, d'accord, très bien. Parfait. C'est parfait. Une petite traduction, ça donnerait quoi? Ce que tu nous as dit en italien. Comment manger pizza avec tes lardons, c'est okay. ça. Mais c'est juste dans ta région, en fait. En fait, c'est une bonne combinaison des cultures autrichiennes et italiennes. Ah ouais. On a tous ce qui est bon de la bouffe autrichienne et de la bouffe italienne aussi. Et si tu le dis en allemand, alors? Ma pizza est pizza. Non, mais redis toute la phrase en allemand, comme dans le Tyrol du Sud, comme on dit. Also, aimerais moi schon mal un dialect. Also, das war jetzt Tyrolerisch. Ja. Voilà, bravo. Bravo. Je crois que c'est peut-être une façon de me faire aimer l'allemand, ça. Oh. C'est vrai. Non, c'est vrai. On sent qu'il y a un petit accent quand même. Voilà, si t'as raté ton Erasmus en Allemagne, tu peux aller en Italie du Nord, dans le Tyrol du Sud. Exact. Et pourquoi on était sur le. Pourquoi parler de ça? Je ne sais pas. J'ai pas un plus. Qu'est-ce qui se passe mercredi? On était sur le mercredi. Mercredi, en fait, il n'y a rien. Voilà, c'était une belle façon de combler. Alors, on passe au jeudi. Comment? Giovedì. Eh les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi, oui. Alors Tortoli, je crois par contre il y a un gros événement qui va se passer sur Bruxelles à partir de jeudi et durant tout le week-end suivant. C'est-à-dire du 14 au 17 avril, et c'est Balkan Traffic tout simplement qui se passe au Beaux-Arts et qui en c'est est un à peu sa l'Italie, quoi. Cinquième édition. C'est vrai, les Balkans, c'est vrai. Je sais pas si on trouvera des Italiens, pas sûr. Mais voilà, c'est la cinquième édition et voilà, c'est un petit mezzé culturel unique en Europe. Mezzé, Les Balkans, c'est un peu l'extrémisation de l'Italie. C'est ça. Ah, voilà. Enfin, c'est l'Italie deux fois plus intense dans le sens des techniques organisationnelles. Je sais pas. Le gros bordel, quoi. Le gros bordel, exact. Je voulais pas dire ça, voilà. C'est ça. Ok, d'accord. C'est un peu la caravane de l'Italie, quoi. La non-organisation, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au Balkan Traffic, Tortoli? Tu t'es renseigné un petit peu là-dessus ou pas? Non, mais. J'ai entendu parler qu'il y aurait Goran Brigovic, bien évidemment. J'ai entendu parler que t'avais le flyer sous les doigts. D'accord. Alors, pour les puristes, il y a Goran Brigovic, ça je crois que ce sera le vendredi, à vérifier. Il y aura aussi Duman, Boban Imarko Markovic, Amira, Kalman. Je peux pas. Les Accordions All Stars, le special guest Soul, Duval. C'est pas possible. C'est pas grave. Tout ça me dit. Rappelle-nous juste les dates et le price. Elle est belle. Hein. Le price. Je pose une colle. Je vais peut-être pas le dire en fait. Par contre, ils ont le soutien de Blue Air. Voilà. Petite information. Ils ont en sponsor Blue Air, donc une compagnie roumaine. C'est important. Voilà. Et c'est donc du 14 au 17 avril. Au Palais des Beaux-Arts. Ok. Voilà. Plus de renseignements sur www.arbatax.org. Voilà, tout à fait. Nickel. Ok. Passons. On est toujours au jeudi. Oui. Et jeudi, il y a aussi une autre soirée. Si vous êtes moins Balkan et moins Balkan Traffic, il y a Cold Cut qui passe au Mirano, le Mirano Continental. C'est une salle de. Une boîte quasiment, quoi. Une salle de concert. Ouais, boîte, bien sûr. Chaussée de Louvain, Amadou. Et Cold Cut qui vient gratos. Amadou et Mariam. Voilà, Madou, pour les non-bruxellois, c'est une station de métro, un quartier, quoi. Voilà. Voilà, donc enfin, le quartier, ça, c'est, on peut remettre ça en cause, mais enfin bref. Voilà. C'est au moins une station de métro. C'est un grand débat. Donc Colcut vient gratos, c'est à 20h, c'est jeudi 14, et c'est au Mirano. Et voilà, c'est free, mais pas tant que ça quand on connaît le prix des boissons au Mirano. Ah oh. Si tu vois ce que je veux dire. Alors planque tes bières et rentre. Et tes billets, tes billets et tes bières. Voilà. Ça c'était pour jeudi. Pas mal. Passons. Vendredi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Ah, Eduardo. Allora. Vendredi. Le vendredi. Vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? C'est le vendredi. Le début du week-end. Ouais, bien vu. Et donc, oui, vous voulez savoir qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qui se passe à Bruxelles, dans le monde? Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce qu'un Italien à Bruxelles fait? Je sais pas, il y a plein d'options. Tu peux commencer avec des drinks à Place Luxembourg. Oula. Échanger d'opinions, d'avis avec de jeunes fonctionnaires des institutions européennes. Si tu veux plus être célibataire, quoi. C'est un peu ça. Par exemple. Tu peux peut-être rappeler la nana que t'as pécho le mardi à la soirée des célibataires. ça peut être une bonne idée aussi. Trois jours après. Bien joué. Ok. T'as quelque chose, toi, le vendredi? Que dalle. Rien que dalle. Niente. Moi non plus. Bon, on passe au samedi. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait samedi? En mode Saturday Night Fever. Ah, en mode Saturday Night Fever. Ouais, exactement, parce qu'il y a, la soirée dont on avait déjà parlé il y a 2-3 semaines, la soirée de Réservoir Dub. Exact. Avec Dub at Tears, Charlie P, Kenny Knotts. Il y a donc le Réservoir Dub Sound System. Et ça se passe au Brasserie Bellevue, c'est 43 quai du Hainaut, c'est à partir de 21h. Et le price, c'est 10 euros. Ouais, pas mal. C'est 10 euros, c'est il bien, me semble. C'est si, bien. Si je dis une connerie. Non, c'est bon. Réservoir Dub nous le dira. nous pokera. Mais voilà. Soirée On the Dub Again, volume 2. Et c'est donc la tête d'affiche, c'est Dub at Tears. Et c'est ce samedi, et c'est au Brasserie Bellevue. C'est ça. T'as vu? C'est ça. T'as quelque chose le samedi ou. Oui, je n'en parlerai pas ici. C'est horrible, passons au dimanche. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine d'après, il y a des trucs. Moi, comme d'habitude, non. Si. Moi, comme non, mais moi, toi. Moi personnellement. À toi personnellement. Ouais. Moi, j'ai quelque chose. C'est il y a à l'ancienne Belgique, à l'Abbé, il y a l'Asian Dub Foundation. Donc, c'est 20 ou 23 euros, selon que tu t'y prends tôt ou tard. Des vieux de la vieille. Voilà, des vieux de la vieille, des vieux Punjabi, quoi. Ça va. Un mix international d'artistes anglais, français. Ouais, ils viennent de partout. Ils changent souvent aussi, en fait. C'est des Pakistanais londoniens ou des Indiens londoniens, quoi. Ouais, mais pas. Ils ont, en fait, moi, je sais pas. J'ai cru comprendre qu'ils collaboraient en fait pour chaque nouvel album, nouvelle année, etc. Ça changeait. C'est d'où le nom Fondation, quoi. En fait, on s'intéresse plus à l'ensemble qu'à chaque artiste qui en fait partie, puisqu'ils peuvent partir, se faire remplacer par d'autres au niveau de la production, des chanteurs, etc. Je pense qu'il y a quelques tauliers qui restent quand même. Ouais. Et là, ils viennent présenter leur nouvel album qui s'appelle History of Now et c'est sorti en février 2011. Donc voilà, si tu vends des canettes de bière la nuit, tard, dans un petit magasin, c'est peut-être ton cousin qui sera sur scène. Voilà. On prévient voilà tous les auditeurs. Attention, les paquis seront fermés ce samedi. Ce dimanche. Gros, ah, ce dimanche. Ah, bah ça, ouais, c'est peut-être un petit peu moins grave. Parce que moi, le dimanche, général, c'est du pain de mie que je vais chercher. Enfin, des trucs comme ça. Moi, bon, bah, du concentré de tomate. Tu t'y prendras à l'avance. Ton chou rouge, tu iras l'acheter le samedi avant au match. Mais si t'es moins Asian Dub Foundation et t'es plus hip-hop Wu-Tang, il y a The Genius. Jeza qui se produira au VK et c'est 22 ou 25 euros si tu y prends tard ou tôt. Voilà, au VK à Molenbeek. Tu vois, you know what I mean? Ouais, Comte de Flandre, ouais, bien sûr. Le VK qui a une bonne programmation en ce moment. Et donc, ne pas hésiter. Il y a aussi un groupe italien qui va passer. Africa Unite. Un groupe de reggae. Qui est déjà passé. Hein. C'était samedi dernier, c'était le 9 avril. Je sais pas où me mettre. Tu sais pas. Eduardo, Dis-moi. Qu'est-ce que ça t'a plu, cet agenda culturel? Parce que maintenant, oui, le clôture, on ferme la page. J'ai pas participé à la discussion parce que j'étais en train de noter sur mon, sur mon mobile, tu vois, sur mon agenda. C'est ton organizer. Ça, oui, sur mon organizer. C'est qui va se passer. Très bien, Donc, merci. Qu'est-ce pour les infos. Regarde, qu'est-ce que t'as noté, moi. Rappelez Mireille à 16h. Ne vole pas un numéro de toutes les filles que je connais. Fuck Cupidon. Ok, d'accord. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Je pense que le temps qu'on ait le temps. Bah, je lire tout ça, on va se mettre un petit son, voilà. Sous le son de système. Sound System. Voilà un collectif reggae dancehall qui nous vient des Pouilles, je pense. Si, c'est ça. Du Talon, du Salento peut-être même plus précisément, c'est-à-dire le Talon du Talon. Salento, ouais. Voilà, et ça s'appelle Les Radici Catieni. Les Racines Queta. Les racines, donc il parle des racines pugliesi. Racines identitaires. C'est ça. Très beau morceau et ce sera suivi par le groupe qui s'appelle Tre Allegri Ragazzi Morti Mostri e Normali. Et le morceau s'appellera Uki Bassi, on vous laisse kiffer ça. C'est la spéciale Italie sur Tortoli Herb Attack. 105.4 Radio Panique, kiff. On se rejoint juste après ça. Ciao amigo. Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati all'ime sapi gulli greci e bizantini, uniti in ciasto stile oce gulli giamaicani. Dimmi di de due de castavieni. Se non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure mai dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle due de catieni, dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'inestavi, culli greci e bizantini, uniti in ciascun stile oce, culli giamaicani. Dimmi delle due de castavieni. Yo, è il mio dello Salento e qua non può non parlo dialetto, yeah. E non vede filo no, che l'italiano non lo saggio. Casa mi metto con rifletto, parlo lo giamaicano scinto, perché l'importante è che sai un poco di tutto. Anche se di tutto abbiate me ne butto, ma se una cosa mi interessa sono capace pure mai visto. Se devi tu che io faccio mi metto dai faccio c'è posto, perché tu per essere io che decido di me stesso, che la vera cultura è questa è vivere. Cubbi e si testo ma sempre senti più la vita è dura, è meglio sai amare pure quando te pare che è impossibile. Me la difendo, la tengo città con il cuore, la cultura mia rappresenta quello che è stato e che avvenire in questo mondo. La rovuta tiene più valore, ci parla diverse de colore, te ne le hanno tutto pure la voglia di amare. Così che tanta gente a faccio modo stare a gire, te ne le hanno tutto pure le ricche per sentire. Ci chiede che d'aiuto per i torti che sta a subire, te ne le hanno pure la terra dei sottali vieti. Se cattano tutto qui duca cui dieci tieni, ne dispiace per tutto qui duca ne stagliati. Ma stiamo ancora qua e qua non ne li mu masciuti. Chiaro, moi. Se non te scerri mai delle radici catieni, sì, rispetti pure qui dei paesi lontani. Se non te scerri mai dei due dei cagliini, dai più valore alla cultura catieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'ime sapi, culli greci e bizantini, uniti in ciascun stile oce, culli giamaicani. Dimmi delle due dei castavieni. Il rio della terra d'un c'è sempre lo sole, sì, la gente cerca un braca la può defrescare. A poi sta scritto sulle pece già giù capire, su parole antiche perciò l'uomo non può cangiare. No. Memoria de cultura e vede qui stu caole, ricorda c'è successo così puoi di capire. Lu boia denta vittima pure dopo menzura, ma la vittima denta boia se non te ne cultura. Su ste radici noi stiamo ben radicati, mi fanno amare popoli mai conosciuti. Mi scosta de ci medita l'odio e la guerra, ma de sti criminali la capo mia non se scerra. E che difendila quando vuoi difendila, è la terra tua, amala e difendila. Senti me difendila quando vuoi difendila, è la terra tua, amala e difendila. Decine, deci le specule corrompe, difendila. De ciò le sfrutta l'ignoranza, difendila. De ciò le spende la tenoscia, difendila. De ci nu vuole crisca ancora, difendila. Per ci nu tene più speranza, difendila. Per ci è rimasto senza forza, difendila. Per ci nu pote manci guide, difendila. Per ci nu te pote esecutare, difendila. Se nu te scerri mai delle radici ca tieni, rispetti puro quindi degli paesi lontani. Se nu te scerri mai delle due te ca tieni, dai tu valore alla cultura ca tieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'immensavi culli greci e bizantini, uniti già su stile osce culli giamaicani, di mezzo dei due te casta pieni. E io dello salento e quando ponno valo dialetto, e non vede filo per c'è, no. Che l'italiano non lo saccio. Case bue non mi ricordo due parole del volo africano, c'è un cennello riso con lo pisce, case mangia con le mano. E mo non mi occupai vuol dire che non ne posso fare a meno, e manghi de vuol dire siamo, mo siamo. A due te che vuoi basta che rispetto portamo, e che ne facciamo rispettare per tutti casimo, che la vera cultura è questa idere, la realtà per cui che te sia che è facile che è difficile, la vera cultura è questa capire, ci deve veramente per segno un giro e lui chiude la bonè, sempre forte con l'ugore, questa è la poesia che aggresta terra con l'amore, qui c'è che ammuti, tenendo un modo di sentire, grazie a ci la porta in giro, ci acqua e la può assaggiare, per rio della terra d'un c'è sempre un sole, alla gente che arriva ci pensa sempre il mare, a qua sta scritto sulle pece c'è giù capire, c'è giù con te le spiego perché non ti scerrare. E che difendila, quando vuoi difendila, sempre. La terra tua, amala e difendila, senti me difendila, quando vuoi difendila, la terra tua, amala e difendila. Se non te scerri mai delle radici che tieni, rispetti pure qui dei paesi lontani. Se non te scerri mai delle due te caglieni, dai più valore alla cultura che tieni. Siamo salentini del mondo cittadini. Tu. Benvenuti su Radio Panic. Oggi Tortoli Erbatax ci romperanno con i coglioni con un'emissione speciale sull'Italia. Un'emissione speciale sull'Italia? C'est aujourd'hui sur Radio Panic et c'est un scandale. C'est aujourd'hui hein, sur Radio Panic. Scandalosi! Pull up! De retour chez Tortoli Erbatax, j'espère que vous êtes confortablement installés. C'est la spéciale Italia, il y a un petit air de vacances, un petit air de soleil dans cette émission. J'espère que ça vous plaît, on vient d'écouter deux morceaux. Eduardo, c'était quoi? Parce que moi je me lance pas trop dans les... Et donc les premiers c'était Le Radici Catieni de Sud Sound System. Yeah. Et après on a eu, c'était quoi? Occhi Bassi ouais. De Tre Allegri Ragazzi, Morti Mostri e Normali. Wow. Je l'avais pas dit pareil tout à l'heure, on a tous pas parlé de la même chose. Tous les mots finissent par i, c'est ça? Okibasi, c'est quoi? C'est les yeux bas? Oui, c'est les yeux bas. Baisse les yeux. Baisse les yeux. Et deux, des trois garçons. Alors attends, si je me tente une traduction, des trois garçons joyeux. Mais morts. Monstrueux et normal. Exactement. On a tout compris. C'est tout un film. Un petit nom de groupe pas dégueulasse. Ça va. Bon, alors du coup, Eduardo, tu voulais nous offrir un petit focus sur un artiste qu'on n'avait pas forcément nous sélectionné au départ. Et du coup, on va se prendre quelques minutes pour en parler. C'est Fabri Fibra. Exactement. Rappeur s'il en est, rappeur italien. Alors. Peut-être le plus connu, non? Je dirais que oui. Enfin, c'est mon préféré, donc je ne vais pas donner un avis impartiel. Ah. Mais certainement, il domine la scène musicale du rap italien. Fabrizio Tarducci, son vrai nom. Ah, c'est son vrai nom, ok. Oui. Ça passe moins bien. Il y a aussi un frère qui est dans la musique, Nesli. La famille, hein, toujours. On va parler de son frère et sa mère. C'est un business familial, comme tous les business italiens. C'est souvent comme ça. Alors oui, c'est quelqu'un qui est grandi dans la scène underground, disons avec des collaborations avec d'autres artistes dans les années 90, l'a réalisé avec d'autres groupes, Uomini di Mare, Custodi del Tempo, Teste Mobili, Piante Grasse. Et puis, il a débuté comme soliste. Ça parlera aux Italiens. Ah bon, c'est ah ouais, ça. Si. J'en vois quelques-uns qui sont largués déjà ici. Hein, Tortoli? Non, pas du tout. Et puis, il a commencé un solo en 2002 avec un premier album, Turbe Giovanili, qui ça veut dire Trouble des Jeunesse. J'ai pas compris, un premier album. comment ça se passe? Ah, c'est un album. Album. Ah, album, j'ai compris album. Et bon, je l'ai dit en italien. Scusa. Oui, et après, avec un autre, en 2004, Mister Sympathia, Monsieur Sympathie. Tranquille. Et puis, ce qui s'est passé, vraiment, il est devenu un phénomène de masse en 2006. Il a signé un contrat avec une étiquette musicale, Universal. Ouais. Et en fait, il a appelé son album Tradimento, Trahison. Trahison. Parce qu'il s'est... C'est vendu, quoi. Il s'est vendu... C'est un traître, oui, quoi. Oui, exact. Donc, pas mal. C'est l'idée qu'est. Et Universal, ils ont accepté de signer un artiste qui appelle son album comme ça, Trahison. Oui, parce que c'est ça critique fait, un peu Universal aussi, quoi. C'est une critique à lui-même. Ouais, bien sûr. Son public qui lui dit, en fait, une chanson, lui, il l'a réversée contre lui-même. Vaffanculo scemo. Je sais pas si ça s'explique. Si, bien même. Sûr, explique, vas-y. Donc, sinon, je vais le faire. Va faire des pâtes à la cuisine. Oui, c'est ça. Mais pas trop de sel aussi. Donc ouais, c'est l'explosion avec Applausi per Fibra. Ah, on va peut-être que ça dans toutes les radios. Oui, aussi en 2007, il a fait un big boom. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. On s'écoute un petit extrait. Va bene. Applausi per Fibra. Certo le aperte da ragazzino, tornavo a casa e vomitavo in mezzo al giardino. Non ho mai smesso un giorno di fantasticare, non ho mai fatto grandi successi in generale. Guardando gli altri mi sembravano così lontani. chiedendomi se a casa loro volassero i divani. L'ultima volta che mio padre è andato a letto con mia madre. Ça c'est un extrait de Fabri Fibra et le titre s'appelle Applausi da Fibra. Bravissimo! Voilà, est-ce que je l'ai bien dit? Te l'ha dit perfetto, italienne! Merci, merci, merci. Ça c'est la période où il a un peu. Où il s'est popularisé en 2006. Et son premier album chez une major company. Chez Universal, ok. Et il a continué après ou pas? Après. Oui, mais avec ce morceau, après une semaine, il était top des chansons. C'était vraiment. Et après, oui, en 2007, avec un autre album, Bugiardo. En français, c'est, ouais. C'est quoi, menteur. C'est menteur. Menteur. Ouais, ouais. Ok. Et surtout, oui, il y a plusieurs morceaux qui ont bien été, disons, très connus. La Soluzione, enfin, je vais pas tout le dire, mais il y en a. Finale. La solution, oui. Il dit ouais, l'argent, un programme politique. L'argent c'est la solution pour tout, ouais. Pour tout, ouais. Mais c'est un peu l'approche rap sectorielle, disons. Et puis une approche rap sectorielle, c'est bon ça. Et le puis, Benito du rap. Le Benito du rap. Et avec un autre morceau qu'il a joué avec Gianna Nannini, une artiste qui était connue un autre pour avoir chanté l'hymne de l'Eurovision de l'Italie. Non, de la Coupe du Monde 1990. Ah, une, okay. Encore une que vous avez perdue. Oui, mais nous avons pratiquement gagné. Hein. C'était juste un mistake. Ils ont inverti l'ordre, mais nous avons pratiquement gagné. Avec Toto Schillaci, chaque match, Toto. Un goal. Grande Toto, we love you. Et puis il est parti au Japon parce qu'ils nous ont fait un contrat multimillionnaire. Et oui, il a dit ok, je m'en fiche. Adios Italia, je reviens dans quelques dizaines d'années. Et oui, il a pratiquement continué sa carrière. En Italie, plus personne ne savait qu'est-ce qui se passait à Toto Schillaci. Mais bon, c'était pour faire une autre parenthèse. Ça, c'est la parenthèse football. Oui, je pense qu'on pourra en faire une spéciale foot. Mais là, Italie. Tu nous. Oui, Italie et France, il y a pas mal de matières à discuter. Ouais, voilà. C'est une idée, c'est une idée. On pourrait faire une guerre. Ah oui. Amical, amical et sportif. Jamais, jamais amical. Et ce hit là avec Gianella Nannini, Gianna Nannini, ouais, s'appelle In Italia. C'est un peu ça quoi. C'est un peu ça, tout à fait. Raconte qu'est-ce que c'est l'Italie. On écoute un petit peu. Si, si, vai. Pericolosi sono in Italia le ragazze nella strada. In Italia mangi pasta fatta in casa. In Italia poi ti entrano i ladri in casa. In Italia non trovi un lavoro fisso. In Italia ma baci il crocifisso. In Italia i monumenti. In Italia le chiese con i dipinti. In Italia gente con dei sentimenti. In Italia la campagna e i rapimenti. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua. Sei nato e morto qua. Nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno. C'est donc toujours Fabri Fibra avec Gianella Gianna Nannini. Non, non, jamais, tu ne l'auras jamais. Je n'arriverai jamais à prononcer. Et je comprends pas ce qu'il dit. Italia. Italia. In Italia. C'est quoi? C'est un fromage? Une compagnie aérienne. Un fromage. Bon, c'est une marque de jambon. Plus que ça. Une chaussure. C'est toute une bonne l'explication sur un pays, tout, enfin son point de vue en fait. Son point. Okay. Très bien. Yes. Et après ça, il y a encore deux albums. Album, sorry, ouais. je l'ai dit trop italienne. D'ailleurs, c'est l'émission italienne, c'est ça. Ah ouais. C'est normal, c'est normal. Carte qui vole être Fabri Fibra, c'est le titre de l'album de 2009. Bon album ou pas? C'est, ça refait, oui, un des bons morceaux qu'il a fait en collaboration avec d'autres artistes. C'est aussi un moment où il a fait un docu-fiction sur MTV. C'est des épisodes où il y a lui qui montre un peu l'Italie, la situation des marginés, les gens qui n'ont pas le ghetto quoi. Le ghetto ouais, en Italie. Les gitans, j'ai pas les gens dans le sud, la situation où il vit, les marginations sociales. Une sorte de télé-réalité sur sa vie quoi. C'est ça. Oui. Enfin, c'est un peu ça non? C'est un peu ça oui. Une sorte de Snoop Dogg de l'Italie quoi. Exact, sauf qu'il est blanc. Et puis enfin, 2010, il y a dis-nous. Un autre album qui est sorti, Contro Cultura. Ça je comprends. Est-ce qu'ils reviendront, il revient donc à ses origines quoi, il reviendrait sur un truc un peu plus underground ou pas du tout? Je parle contre-culture, non? Ça semble un peu... Donc, disons, à ma vie, c'est pas le top, mais c'est juste la commercialisation. Ça arrive à tous les artistes de perdre les origines une fois qu'ils arrivent au succès. Et il a fait aussi la grosse attesta, quoi. Il a pris un peu la... le grand déculo et la grosse attesta, quoi. Et aussi des collaborations avec d'autres artistes, par exemple Marrakech, ça sonne italien. Hein. Rappeur, oui, c'est du Maghreb. Oui, c'est son vrai nom c'est Fabio Rizzo. Il est un Milanaise d'adoption, qui est grandi dans un quartier Barona, c'est un peu le ghetto de Milan. Okay. Il raconte aussi la situation socioculturelle. Oui, il y a des morceaux quand même qui ont été très discutés. Par exemple, Trannete, qui on ne va pas jouer là parce qu'on n'a pas le temps. Non. Et c'est pour ça qu'on va arrêter de parler de Fabri Fibra. Ciao Fabri, à bientôt. Et voilà, il nous fait exploser les enceintes. C'est Eduardo. Bon, voilà, c'était un focus sur Fabri Fibra. Dommage, on aurait peut-être pu en parler un peu plus, mais cette fois-ci, on n'a pas le temps. Je pense qu'on fera peut-être une spéciale rap italien. On a du foot, on a plein de projets avec l'Italie. Dans tous les cas, ceux qui sont très intéressés par Fabri Fibra, ils pourront se rendre sur le MySpace. Il y a bien un site internet. Tu veux vomir? Non, c'est juste. Qu'est-ce qui se passe? Les changements climatiques, fait des belles journées, les soirs, il fait tempête. Ça, je suis pas habitué à ces temps instables. Tempête à l'aller. Peste, un chiant retour. Que je suis un peu arrimé, excusez-moi. Ma voix normalement n'est pas si horrible que ça. Bon, bah voilà, en tout cas, comme tu dis, on croit sur parole. Comme tu dis, pour ceux qui veulent se renseigner sur Fabri Fibra, il n'y a pas de problème. Il y a le World Wide Web qui existe pour ça. Et nous, on en reparlera sûrement. En tout cas, c'est la fin de l'émission. Merci, Eduardo. Merci à vous, les gars. Voilà, merci, Eduardo. je ferme aussi. C'est le pollen. Mais avant de se quitter, on a quand même une sorte de surprise. Une surprise énorme. Bah, on se finit avec un classique, comme d'habitude. C'est un gros classique, mais en même temps. Un classique à venir, un futur classique. Comme dirait McFly déjà... dans Retour vers le futur, vos enfants en entendront parler. Ouais, voilà. Bien vu, un futur classique, quoi. Un classique qui n'est pas encore sorti, mais qui est déjà un classique. En tout cas, retrouvez cette émission, la playlist et tous les renseignements que vous voulez, des belles photos, plein de trucs, et sur Tortoli Herbe Attax sur Facebook ou sur le site de Radio Panique, www.radiopanique.org. Votez toujours pour l'émission pour l'expression de la semaine. Hein, puisque cette fois-ci on n'en a pas fait. On n'a pas fait à cause d'Eduardo. Désolé, qui a monopolisé l'antenne. Donc il y a toujours deux expressions qui sont en jeu sur Facebook. Allez donc écouter ça et voter pour votre préféré. On se quitte donc avec Maki Cat Sofai. Le titre s'appelle Maki Cat Sofai, une petite traduction rapidos. Ok. What the hell are you doing? Voilà, un futur classique, vous en entendrez parler. C'est signé Sauvage FM, c'est signé Tortoli Herbe Attax, faut le dire, en featuring. Et voilà, on se rejoint la semaine prochaine en bonne et due forme sur le 105.4. Voilà, prenez une cassette vierge et voilà, c'est le moment. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez pouvoir lancer le truc. Allez, enregistré là, c'est parti. Arrivederci, ciao, ciao tutti. Ciao a tutti. Tortoli e Herbe Attax, la radio numero uno in Italia. C'è ce qu'on organise? Tortoli e Herbe Attax, Radio Panique, Sauvage FM. Sur un beat, j'avais beat, passe en marche, la belle. vai, vai. Ma che cazzo fai? Danza autour de mon totem. Tortoli Herbatax, sauvage FM. Ma che cazzo fai? Qu'est-ce que tu veux, merdou? T'as cru qu'on te servirait un refrain pasta pesto lardo? Là c'est bien mijoté, façon lasagne à l'union. Du Paul Bocuse qui fait déborder du pantalon. Et voilà, et voilà, et voilà le travail. Moche du travail de grosse, pour les apparences, style élégant poivron. Des gars distingués, pas les gros babos. Et vas-y, vas-y que je t'en bosse. Bye bye, ma qui casse so fine. Sur ce beat qui facilite le transit intestinal. La fille équipe, on est hall, on débite et on parle mal. Loud. Saute, saute, mais fais gaffe à ton futin. T'es à la masse ou t'es à la menthe, 22 cartes, t'es à l'amande. Niveau coré, ça va aller ou t'es à court. Jette un œil dans le rétro, on t'a déjà grillé un tour. Mais ton ciré, car y'a tempête à l'aller, dans J au retour. Bye bye bye. Magic Cats on fire. Roison, banane, s'agile. On est là sur un beat, channel beat. Façon marche la bella. Bye, bye, bye. Magic Cats on fire. Danse autour de mon totem. Tortoli en bataille sur Sauvage FM. Bye, bye, bye. Magic Cats on fire. Roison, banane, s'agile. On est là sur un beat, channel beat. Façon marche la bella. Bye, bye, bye. Magic Castle Fire. Danse autour de mon totem. Tortoli Herbatax sur Sauvage FM. Magic Castle Fire.